That's the sound of the police. On a entendu un grand boom. Enfin, tout a pété. La police, c'est de la merde. L'armée, c'est de la merde. La justice, messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion, c'est de la merde. La patrie, c'est de la merde. Le capital, c'est de la merde. Et à moi, toujours de la merde. Et tiens. Salut à toutes et tous, vous écoutez le magazine Libertaire en direct comme chaque mercredi de 12h05 à 13h30 sur Jet FM. Jet FM c'est sur 91.2 à Nantes et sur jetfm.fr sur internet. Et vous avez vu aujourd'hui on est en avance, mais faut pas vous habituer, ça arrivera pas tout le temps. Du coup je disais, vous écoutez le magazine Libertaire. Le magazine Libertaire c'est une émission qui parle d'actu, qui parle de lutte, qui parle de la France et du monde qui pue. Et c'est une émission qui essaye de relayer les paroles de celles et ceux qu'on n'entend pas ou peu d'habitude dans les médias. Aujourd'hui on est le 30 septembre et on va parler de l'audience de Vincenzo Vecchi qui aura lieu le vendredi 2 octobre devant la cour d'appel à Angers. Cette audience elle a pour objectif de décider de la validité de deux mandats d'arrêt européens qui ont été diffusés par l'Italie à l'encontre de Vincenzo. Du coup, je vais rapidement rappeler quelques faits et après, on va diffuser une émission qui a été réalisée par le groupe radio du comité de soutien à Vincenzo. Non, rien du tout. J'étais en train de réfléchir pendant que tu faisais ton introduction. Je me disais, dans la France qui pue, est-ce que tu peux inclure la police ? Grave. Avec une petite dédicace aux policiers de la gare ce matin. Qui, j'espère, ne nous écoute pas. du coup... J'ai perdu, je t'ai fait perdre le fil de ton... Ouais, c'est désolé. Clair. C'est pas grave. Je disais que j'allais rappeler quelques faits du coup concernant Vincenzo, en tout cas concernant cette histoire de mandat d'arrêt européen. Donc le 8 août 2019, Vincenzo Vecchi, il a été arrêté par la police à Rochefort-en-Terre en Bretagne et il vit là-bas depuis 8 ans. Il a été arrêté et puis emmené en détention. Et ce qu'a justifié son arrestation aux yeux des autorités judiciaires, ce sont deux mandats d'arrêt européens qui ont été pris à son encontre par la justice italienne. Il y a un premier mandat d'arrêt qui concerne une condamnation de 2009 à 12 ans et 6 mois de prison pour dévastation et saccage. Comme d'autres personnes à l'époque qui sont appelées les 10 de Gênes, Vincenzo il avait été condamné pour sa simple participation à une manifestation anti-G8 à Gênes, donc en Italie, en 2001. L'inculpation pour dévastation et saccage, elle implique pas qu'on ait dévasté ou saccagé quoi que ce soit. En fait, il suffit simplement d'avoir été présent ou présente à la manif pour en être accusé. Un extrait de l'acte d'accusation de Vincenzo le montre très bien. Je vais vous lire ce petit extrait. La présence au premier rang au spectacle de l'incendie d'une voiture est un comportement décidément incompatible avec quelqu'un qui ne serait là que par curiosité et désigne quelqu'un qui est là pour concourir au délit. Donc voilà, voilà ce qui suffit à faire condamner quelqu'un pour avoir été présent en manif. Donc ça, c'est le premier mandat d'arrêt européen, donc qui est en rapport avec le G8, les manifs anti-G8 à Gênes. Et le second mandat d'arrêt européen, il concerne lui une condamnation suite à une manif antifasciste interdite à Milan en 2006. Et pour cette condamnation, Vincenzo, il avait déjà purgé sa peine, mais comme vous pouvez le constater, ça n'empêche absolument pas la justice italienne de diffuser un mandat d'arrêt. En novembre 2019, donc quand Vincenzo était en taule, la cour d'appel de Rennes, elle a déclaré ses deux mandats d'arrêt européens irrecevables. Vincenzo a donc été libéré après trois mois de taule. Mais c'était sans compter sur le zèle du parquet général de Rennes qui a décidé de se pourvoir en cassation. Le parquet, c'est les procureurs. Et du coup, en décembre, la Cour de cassation a cassé le jugement de Rennes, qui invalidait donc les deux mandats d'arrêt. Et cette décision de casser le jugement de Rennes, ça a pour conséquence qu'il y a une nouvelle audience en appel qui est programmée, toujours pour statuer sur ces mandats d'arrêt. Et donc statuer à la fois sur les mandats d'arrêt et sur le fait de renvoyer Vincenzo en Italie. Cette nouvelle audience, c'est vendredi qui vient là, le vendredi 2 octobre à Angers, et il y a un appel à soutien, mais on en parlera tout à l'heure. Pour le moment, ce qu'on vous propose, c'est d'écouter un son qui a été une émission, en fait, qui a été réalisée par le comité de soutien à Vincenzo. Ça dure 55 minutes et on se retrouve tout de suite après. Bonne écoute. Bonjour à tous, voici la 7e émission du comité de solidarité à Vincenzo de Rochefort-en-Terre. À quelques jours du procès, cette dernière émission est une petite compilation de moments qui revisitent certaines des émissions précédentes. Elle se penche sur ce qui malheureusement sera absent de l'audience, à savoir Gênes et l'effroyable machination grâce à laquelle la justice italienne a sentencié Vincenzo Vecchi et ses 9 camarades à des peines effrayantes pour leur simple participation au contre-sommet de Gênes en 2001. Elle se penche aussi sur ces deux mandats d'arrêt européens qui en rendent complice la France. Le jeudi 8 août 2019, Vincenzo Vecchi a été arrêté à Rochefort-en-Terre, où il vivait depuis 8 ans. Son arrestation a lieu sous deux mandats d'arrêt européens. Il y en a un qui concernait Gênes 2001, le sommet anti-G8, et puis l'autre concernait Milan 2006. À Milan, il y avait une manifestation qui a été autorisée pour l'extrême droite d'un parti qui s'appelle Fiamma Tricolore, alors qu'elle aurait dû être interdite puisque l'apologie du fascisme est interdite en Italie. Une contre-manifestation a été déployée, elle a été interdite et Vincenzo Vecchi a été arrêté à ce moment-là. Le 9 août 2019, Vincenzo est donc conduit devant le procureur général près de la cour d'appel de Rennes et ne consent pas à sa remise en liberté. Donc de notre côté, à Rochefort-en-Terre, on s'organise et le comité de soutien est créé à partir du 9 et 10 août. Là, il y a déjà environ 80 personnes qui se réunissent pour déjà comprendre la situation et voir ce qui se passe. Ça signifie aussi que Vincenzo Vecchi était bien intégré à la vie locale et qu'il avait déjà tout un réseau d'amis, plus tous les amis qu'on a contactés. Donc, on était assez nombreux pour comprendre la situation. Le 23 août, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Rennes ordonnait 2 suppléments d'information à la justice italienne concernant les deux MAE. Le 15 novembre 2019, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Rennes va déclarer sans objet le mandat d'arrêt européen concernant Milan. Là aussi, nous y reviendrons. Et puis, il a constaté aussi l'irrégularité de la procédure d'exécution du MAE à l'encontre de M. Vecchi et ordonne la remise en liberté immédiate de Vincenzo Vecchi. Nous sommes très heureux de pouvoir vous confirmer la mise en liberté de M. Vecchi très rapidement dans la journée. Et la décision d'aujourd'hui va dans dans un sens qui nous, bon, ça nous réjouit évidemment d'abord individuellement, puisque le problème de la liberté, c'est qu'elle est toujours aussi quelque chose. Elle commence par une personne. L'égalité, c'est plusieurs. La liberté, c'est une. Donc quand la liberté d'une seule personne est en cause, c'est la liberté de tous qui est en jeu. La liberté, c'est pas qu'un mot. Il y a toujours quelqu'un derrière la liberté. Il y a toujours quelqu'un qui souffre, qui est enfermé, etc. Donc là, c'est Vincenzo Vecchi. Il va pouvoir être remis en liberté aussitôt. Donc c'est un point très bon. Mais en même temps, évidemment, ça concerne tout le monde. C'est ça qu'il y a de particulier avec ce concept, avec qu'est la liberté. C'est que ça paraît être quelque chose d'abstrait. En réalité, c'est extrêmement concret. Ça regarde une personne, mais en réalité, le sort de cette personne irradie sur tous. C'est une victoire qui s'inscrit dans un paysage plutôt sinistre de ce point de vue en Europe tout de même, hein. Et au long cours, c'est-à-dire il y a une dégradation progressive des libertés publiques, une atteinte progressive aux droits fondamentaux, et on s'en accommode comme ça. Et bon, bah là, au moins, voilà une décision positive. Vincent, à peine libéré, est renvoyé en cassation. En Italie, un déchaînement médiatique pour critiquer sa mise en liberté. Des enquêtes à propos des manifestants en faveur de Vincenzo, son ex-compagne soumise à une enquête l'accusant d'avoir gardé des contacts avec lui. Nous sommes retournés questionner le souvenir de Gênes pour tenter de comprendre les raisons de cet acharnement. Una voce spezzava l'urlare statico dei bambini, panni distesi al sole come una beffa dentro ai giardini. Mon souvenir de Gênes, c'est que ça a été parmi les journées les plus terribles de l'après-guerre italienne. Je crois que ça a surpassé tout, même les morts de Reggio Emilia. Ça a été un massacre. Un massacre en particulier dans l'école Diaz. En fait, tout avait été organisé avant. La rue était très étroite. J'essaie d'emmener ma fiancée, mais il y en a un qui saute de la Jeep et qui m'arrive dans le dos. Il commence à me frapper. À ce moment-là, ils arrêtent. J'essaie de fuir par une partie du mur qui s'est écroulée. Ils repartent. Ils passent en ouvrant la portière sur moi. Je suis resté collé au mur, mais ça m'a taillé des bras. J'ai réussi à ne pas tomber. Ils sont partis à toute vitesse avec la Jeep. C'est là que je m'aperçois que je perds beaucoup de sang de la tête. Mais j'arrive à descendre jusqu'à la clinique. Je m'allonge par terre parce que je perds beaucoup de sang. Les médecins de la clinique sortent. À ce moment-là, les Jeeps reviennent. Mais quand ils sont revenus, la Jeep s'arrête, l'un d'eux enlève son casque. Il prend un fusil et le pointe sur moi. J'étais par terre. Mais cette infirmière et ce médecin sont sortis pour se mettre devant. Il commence à crier. Enfoiré, je t'ai vu, lève-toi! L'infirmière m'a dit, ne te lève pas, sinon ils vont tirer, reste à terre. Alors ils vont vers l'entrée principale et commencent à taper dessus. Mais les médecins ne les font pas entrer en disant, non, il est blessé. On est des médecins, on le garde ici. Ils ne les ont pas fait entrer. Les autres s'en vont. Tout paraissait terminé. Mais les mêmes médecins reviennent me dire qu'ils ont appelé la clinique et qu'ils allaient arriver avec un mandat du juge. Alors, ils nous ont dit de partir. L'objectif, vraiment, ce qu'on avait en truc, c'était faire en sorte de faire capoter ce G8. Voilà. Il y avait du monde, parce que moi j'ai pu croiser d'autres nationalités que françaises et tout. Puis il n'y avait pas que des jeunes, il y avait de toute génération. Mais à Gênes, c'était comment? Ça fait partie du pic de ce que j'ai vu dans d'autres situations, le pic dans dans cette violence, dans ce décharnement. Des filles, je me souviens, traînées par les cheveux, recevant des coups de matraque, des coups de pied, des hurlements de douleur. Et on voyait un moment avec des engins d'armée ou de police qui avançaient comme ça. Tout d'un. C'était terrible. Et puis des lacrymos à quoi que ce soit. Et puis le bruit courait et tout, qu'il y avait des provocateurs. Et donc si jamais on se retrouvait avec tel groupe, c'était eux qui étaient justement peut-être de la police ou des extrêmes droites ou des auxiliaires. Et il y avait une sorte de parano qui s'était emparé de tout. On commençait de plus en plus à avoir peur, mais vraiment très peur. Pendant les mois qui ont précédé, les journaux répétaient tout et n'importe quoi. Le plus absurde que j'ai vu, juste pour donner une idée, c'est qu'ils disaient que les manifestants allaient attaquer la police avec des avions télécommandés remplis de sacs de sang infectés par le sida. Hitler e Mussolini. En fait, ce qui m'a sidéré, c'est qu'après la mort de Giuliani, tu entrais dans Gênes comme si tu allais en vacances. J'ai dit, mais pourquoi ils m'ont laissé entrer si librement? Peut-être parce qu'après, ils nous ont massacrés. Le problème, c'était de sortir de Gênes, pas d'y entrer. Ça m'a fait beaucoup réfléchir après. Une suspension de la norme de la légalité pendant quelques jours. Ce qu'on n'avait peut-être pas compris à l'époque, c'est que cette suspension, cette exception, n'allait pas se limiter à ces jours-là, mais que ça allait ensuite devenir l'ordinaire. Quella donna che non figliera gli va a pregare santo la zera. Toute une série de choses très particulières qu'on voyait comme des choses exceptionnelles à Gênes. On les a retrouvées toujours plus nombreuses les années qui ont suivi. La costruzione del nemico, dei black bloc, lacrymogène CS, zone rouge, construction de l'ennemi Black Bloc, utilisation de certains délits pour condamner les manifestants, toute une série d'innovations qu'on avait alors perçues comme des faits exceptionnels, liées à un événement historique précis, n'étaient en réalité pas des exceptions, mais le commencement d'un ordre nouveau, d'un nouveau moyen de gérer l'ordre public. Ça a inauguré une nouvelle phase, qu'on peut évidemment clairement lier au changement qu'il y a eu au plan international, avec le 11 septembre. Quello premio ci ha rovinati. Allo sangue di chi te ma anche la scelta del meno quello che ho vissuto io quel giorno. Ce que j'ai vécu ce jour-là, c'était dans un cortège très pacifique. Cioè dove non c'erano i cosiddetti black bloc. Il n'y avait pas de soi-disant black bloc ou de militants enclins à faire je ne sais quoi. La scelta della polizia, le choix de la police, de la garde des finances. A été d'attaquer un cortège inoffensif. D'après moi, ce que ça tentait de dire, c'était « Voilà ce que vous risquez dans la rue. Alors vous ne devez plus venir dans la rue. » Ils nous ont donné une leçon, un signal effrayant pour que seulement les militants continuent à descendre dans la rue. Après les charges de la police, on voyait des gens qui se jetaient en bas et se brisaient les jambes avec des hurlements terrifiants. Ils se cassaient les jambes en se jetant du haut de 5 ou 6 mètres pour éviter la police. Ça m'est resté. Moi, quand on est allé à Gênes, c'était une époque où il y avait beaucoup de contre-sommets. Il y avait eu des sommets des puissants de ce monde, l'Union européenne, l'OMC, toutes ces fortes contestations. Peu avant le sommet du G8 à Gênes, il y avait un sommet à Naples, il y avait eu beaucoup de monde, erano state forse fatte le prove generali e, di quello che sarebbe successo a Genova. La première répétition générale de ce qui allait arriver à Gênes. Il y avait une force policière énorme. Carabiniers, garde des finances. Je me souviens d'affrontements et là aussi d'une forte répression de la part des forces de l'ordre. Mais il y avait aussi beaucoup de solidarité de la part des gens de Naples. Même les journaux rapportaient que beaucoup d'habitants avaient ouvert leurs portes pour faire entrer les manifestants. Ils faisaient descendre des paniers de leurs fenêtres avec des cordes pour fournir des citrons contre les lacrymogènes. Ils ont aidé des personnes à s'échapper. Alors nous, on est allés à Gênes avec tout cet enthousiasme. Le dernier jour, le troisième jour à Gênes, il y avait 350-300 000 personnes dans la rue. Même pour nous, qui étions venus là, avec nos groupes de référence, dans le cortège du troisième jour, et aussi pendant les autres journées, il était très facile de se perdre au milieu de tous ces cortèges. Il y avait des gens et des petits cortèges de tout type, immigrés, femmes, personnes en capuchon, et de plus gros cortèges un peu partout. Les journaux et les médias de masse ont préparé Gênes avec une grande alarme sociale. On comprenait déjà qu'il allait se passer quelque chose de fort. Mais personne ne pouvait imaginer ce qu'il allait se passer du point de vue répressif. Comme ce qui était arrivé à l'école Diaz ou à la caserne de Bolzaneto. Ces choses-là ne pouvaient pas encore être imaginables. Les tortures délibérées et bien d'autres choses encore. La polizia, la stampa, la repressione, la presse, ha creato la police, la repression ont créé ce mythe du Black Bloc. Il avait déjà été créé. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'affrontement ou de Black Bloc. Mais les discours sur les affrontements, tout le monde faisait ses choses. Que ce soit habillé en noir, en jaune, en bleu ou en vert, tout le monde avait son objectif et cherchait à le mettre en pratique pendant les manifestations. Qui en faisait le plus, le moins, peu importe. Mais avec la répression qui a suivi, les accusations de dévastation et de saccage, les tortures, on a créé cet ennemi, le Black Bloc. Malheureusement, ce mouvement qui s'est exprimé à Gênes était un mouvement très ingénieux, notamment parce que l'Italie allait changer de gouvernement. On se préparait à l'arrivée d'un gouvernement de centre-gauche. Il y avait le slogan « Un autre monde est possible ». Mais personne ne disait comment on pouvait créer cet autre monde. Alors après Gênes, il y a une très forte dissociation, une très forte volonté de se mettre en rang et de prendre des distances, pas seulement vis-à-vis des Black Blocs. Avec le discours de la non-violence et la criminalisation des Black Blocs, ils ont complètement saboté le mouvement. Après Gênes, plus que la police encore, tu devais te méfier de certains secteurs du mouvement qui te signalaient, te cherchaient dans les rues. Quand je dis tu, je parle de tous ceux qui refusaient de se dissocier de ces journées-là et qui exprimaient leur solidarité avec les condamnés, les détenus. Ils ont commencé à être regardés avec suspicion. Ils ont aussi été criminalisés par de gros secteurs du mouvement. Ça a été une blessure énorme qui n'a été recousue qu'en 2013, après la manifestation qui a suivi les journées de lutte du 29 juin au 3 juillet 2013 au Val de Suse, où toute la population du Val de Suse a défilé en cortège à Turin après les arrestations qui avaient été effectuées. Et ils ont ouvert le cortège avec une banderole. Nous sommes tous des Black Blocs. Ce que je peux dire, c'est que Gênes a été certainement un grand tournant pour l'Italie. Je ne sais pas si ça a eu le même genre d'effet en Europe, mais ça a été un grand tournant. Souvenez-vous que Gênes a plus ou moins été le dernier des contre-sommets à une époque où il y avait eu des contre-sommets un peu partout dans le monde, à Seattle et ailleurs ensuite. Le massacre de Gênes, en fait, ça a été une vraie boucherie. Les coups de la police, aussi bien dans la rue qu'à l'école Diaz, puis à la caserne de Bolzaneto, des personnes arrêtées ce jour-là et obligées de passer des heures, les jambes écartées, face au mur, pendant que les surveillants pénitentiaires chantaient « Facetta nera ». Ces journées ont laissé une marque indélébile chez les manifestants. La génération qui a suivi Gênes n'est pas descendue dans la rue pendant presque 10 ans par peur. Le traumatisme de ces journées a vraiment laissé une marque. Et n'oublions pas qu'ensuite, quelques mois après Gênes, qui a eu lieu en juillet, c'est le 11 septembre 2001. C'est donc le début de la période terrorisme, alerte au terrorisme. Là aussi, ça a eu de lourdes répercussions sur le code italien. Les premières années 2000 en Italie, du point de vue des mouvements sociaux, ont été des années de désert, des rues désertes de peur diffuse. Alors, dans les réflexions qui ont suivi Gênes, on s'est dit que Gênes était un gros piège et que leur objectif était de faire peur pour mettre fin à ce mouvement. On dit chez nous qu'il y a un avant et un après Gênes. Dall'ultima galleria sembra mai più poter riaprirsi il sole quando luccica sul fondale dalla rugginosa ferrovia dalle budella della grande vedova dritto in faccia un muro alto porta principe in un sussulto ti vomita addosso a Genova io quando tornerò a Genova per prima cosa col caffè di rito nel piazzale della stazione. Baracchino, il passo addormentato. 17 septembre, la Grande Ourse, Angers. Vincenzo raconte ses souvenirs de Gênes et de ses conséquences. À Gênes, les politiques, les autres sphères policières, tout ça, ils commencent à faire un gros travail des informations, on va se dire. Ils commencent un an, deux ans avant à dire, bon, ici, en Italie, on va avoir la catastrophe. Il va y avoir des black blocs qui arrivent de tout le monde. On commence à commander des body bags depuis des États-Unis. On va envoyer des avions avec des... On pouvait lire tout et n'importe quoi sur cette histoire. Donc, bon, on sait tout dans un contexte. Est-ce qu'on va manifester? Est-ce qu'on va pas? Ils parlent des morts. Là, ils vont faire un massacre. Et là, on dit, on y va. Et du coup, voilà, il y avait plein de monde. Il y avait 300 000 personnes. Bon, et après l'histoire, on la connaît. Bon, voilà, il y a eu de la casse, il y a eu des voitures brûlées, il y a eu des trucs. Une manif, quoi, une manif un peu rock'n'roll. Et ensuite à ça, il y a eu des arrestations. Il y a eu des arrestations, ils ont arrêté au tout début 25 personnes. 25 personnes sur 300 000, ça fait. Je sais pas en mathématiques ça donne combien, mais c'est juste un petit pourcentage. De ces 25, ensuite, à des différents audiences et tout ça, on s'est trouvé à 10. Et ces 10, ils seront condamnés pour, en gros, pour tout ce qui est arrivé à Gênes. Personnellement, moi, je n'ai jamais nié ce qui est arrivé à Gênes. Je me suis toujours pris toutes les responsabilités de tout ce qui est arrivé à Gênes, sans dire oui, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. J'ai toujours affirmé ma présence dans une manif avec mes valeurs, avec tout ce qui est arrivé à Gênes ces jours-là, et c'est moi qui paye tout ça, en gros. Donc voilà, ça pour la petite histoire. Donc là, on est arrêté. On sort après un an après parce qu'il faut attendre les procès. Les procès des Gênes, ça va durer 10 ans. C'est-à-dire qu'en 10 ans, chaque semaine, au tribunal des Gênes, ils avaient installé une pièce où on parlait que de ça. Il y avait des témoins, il y avait des flics qui arrivaient avec « Oui, celui-là, on l'a vu, tata, ça c'est la photo de la rue, machin. » Un truc énorme dont tout le monde n'a pas pu suivre tout parce que c'était un truc monstre. Guardare a fondo, guardare il mare, guardare il punto fermo sull'abisso, vedere tutto tornare a urlare, fronte spezzata da un chiodo fisso, fronte spaccato, fronte diviso, fonte che anneghi al pozzo San Patrizio, del mare rosso del nostro sangue plebeo, che soffoca nel precipizio, che soffoca nel precipizio. Quando ritorneremo a Genova, ritorneremo sopra la criniera bianca dell'onda che si frange al frangiflutti che mangia la sera. A Gênes, on peut se souvenir qu'il y a eu un mort qui s'appelait Carlo Giuliani. 600 arrestations. Il faut se souvenir aussi qu'il y a eu des épisodes de torture de la part des policières, notamment dans l'école Diaz et dans la caserne de Bolzaneto. Pour ce fait, la police italienne a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment pour des faits de torture. À côté de ça, les policiers accusés des violences, tortures, etc., etc., ils ont été amnistiés. Et les 10 des jeunes, ce qu'on appelle les 10 des jeunes, c'est-à-dire les 10 dernières qui sont arrivées au procès et aux condamnations, ils ont eu au total 100 ans de prison. Donc pour revenir sur ce que disait Vincent et notamment sur la disproportion des peines, à l'époque quand les policiers ont été jugés, ils ont été jugés pour des actes de droit commun, parce que les actes de violence, de torture, pardon, n'existaient pas dans le droit italien. Et c'est en fait la double condamnation de l'Italie par la Cour européenne des droits de l'homme en 2015 et 2017, condamnation pour actes de torture, qui a fait que le code italien a dû intégrer les actes de torture. Et c'est pour ça que les policiers n'avaient été condamnés que pour quelques années de prison qu'ils n'ont pas fait, alors que les 10 de Gênes avaient été condamnés pour des délits sur des biens et pas sur des personnes à plus de 100 ans. Pour ce qui concerne Milan, en 2006, pour contextualiser les faits, on est dans une ville médaille d'or pour la résistance. Donc on se voit autoriser une manifestation d'un groupe fasciste qui s'appelait à ce temps-là Fiamma Tricolore. Et il y a eu une contre-manifestation qui a été interdite par la police. Et suite à ça, il y a eu des affrontements entre contre-manifestants, manifestants et policiers. Et là, on a été arrêté sur place, directement à la manifestation. Et donc, c'est ensuite à cette manifestation-là de Milan qu'il y a eu, pour la première fois après une vingtaine d'années, ils ont ressorti cet délit de saccage et dévastation. Ça passait en tribunal. Donc c'est bien à partir de ces procès de Milan qui vont ressortir après très très très longtemps cette typologie de délit qui s'appelle saccage et dévastation. Et donc les procès des jeunes étant encore en cours pendant la manifestation de Milan, ils se serviront de cette sentence de Milan pour ouvrir la route à l'utilisation ensuite à Gênes et pour toutes les manifestations qui suivront jusqu'à aujourd'hui, de cette typologie des délits qui s'appelle saccage et dévastation. Quando ritorneremo a Genova, e quando Genova sarà tornata, quando torno al nostro inverno, la resistenza verrà dichiarata, quando in tutto questo inferno ritroveremo i nostri sentimenti, verremo in braccio alla natura. Verremo sopra i quattro elementi. Chi siamo noi? Ora siamo il mare nero che si scatena, che si rovescia sopra il torto, sopra il porco che lo avvelena. Il mare. Alors du coup, on peut continuer sur Milan 2006. Il faut savoir que Vincenzo Vecchi avait déjà purgé sa peine, et donc le MAE émis par l'Italie était nul et non avenu, ce qui a été reconnu par la cour d'appel de Rennes. Alors, ce qu'on peut voir déjà ici, c'est que la justice italienne instrumentalise le MAE à des fins politiques, puisque la question juridique n'a pas lieu d'être, vu que la peine avait été effectuée. Elle a été extrêmement déloyale vis-à-vis de la justice française, sachant que le MAE se base sur la loyauté des différents systèmes juridiques européens. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la condamnation de Vincenzo pour Milan et Gênes fonctionne sur une double inculpation, un double système. D'abord le concours moral et ensuite un délit qui s'appelle saccage et dévastation. Alors sur le concours moral, ça veut dire que la simple présence sur la manifestation est déjà une preuve de culpabilité, sans même prouver la participation à des faits de destruction de biens. Et le saccage et dévastation est une loi dite de Rocco, qui était le ministre sous Mussolini, qui a été ressorti à cette occasion pour faire des peines extrêmement lourdes sur des faits mineurs. Et c'est cette double combinaison qui fait que Vincenzo Vecchi et ses co-accusés, les 10 de Gênes, ont pris plus de 100 ans de prison. Cette peine de prison est donc très largement disproportionnée et le jugement est assez inique puisque d'un côté il y a des manifestants qui prennent des peines lourdes alors que la répression policière qui a été systématique, planifiée avec des actes de torture a été amnistiée. Certains policiers ont même eu certaines promotions. Donc c'est cette double mécanique qui est extrêmement pernicieuse. Et on voit que c'est aussi une procédure judiciaire qui est en train d'être mise en place un peu partout dans les pays européens. Et ça attaque le principe fondamental du droit à manifester. Et c'est donc cette combinaison-là qui rend cette loi liberticide pour nos droits individuels. Ce qui est intéressant quand même à noter, donc, c'est que le mandat d'arrêt européen de Milan, comme disait Olivier, qui était caduque puisque la peine avait été exécutée, le parquet, en août, avait dit que pour le mandat d'arrêt européen de Gênes, il manquait des infos, donc il était d'accord sur la demande de complément d'information. Mais par contre, pour le parquet, c'était clair pour Milan, il fallait renvoyer directement Vincenzo Vecchi parce que les faits étaient là. Or, ce mandat d'arrêt était un faux, et donc ça pose vraiment question sur ces principes de loyauté entre les systèmes de justice. Et on peut préciser aussi que c'est grâce au comité de soutien qui a été recherché les documents en Italie pour pouvoir prouver que la peine avait été exécutée. C'est grâce à ce travail commun avec les avocats que la justice a évité de faire une erreur judiciaire. Depuis cette deux manifestations-là, en gros, s'il y a des manifestations interdites, où il y a des petits trucs qui se mettent en place, en Italie, on sort dévastation et saccage. Et là, on risque un minimum 8 ans jusqu'à 15 ans. Et ça passe. Ça passe. Tout ça, c'était en Italie en 2001. Et à ce que j'ai commencé à piger ici en France, il y a cette loi anti-casseur qui commence à aller dans ce sens-là. On est en Europe, donc on cherche de mettre un peu... On cherche de mettre les lois des pays sur le même niveau et tout ça. Donc, ce qui est passé en Italie, c'est pas pour dire que l'Italie fait école, mais en gros, c'est ce qui est en train de se passer un peu dans tous les pays d'Europe. Donc, d'ici, cette continuation juridique en tribunal, avec un mandat d'arrêt européen, qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'avant du mandat d'arrêt européen, il y avait cette histoire d'extradition. Là, ils ont changé de loi, je ne sais pas, des modus operandi, disons. Il y a ce mandat d'arrêt européen. Donc, en gros, pour mon vécu, moi, je vais en manif. Je suis arrêté pour dévastation et saccage. En tribunal, ça passe. Je me casse. Je suis chopé en Europe. Il y a un truc qui s'appelle mandat d'arrêt européen, qui, en gros... Ce qui est en cause là-dedans, c'est qu'on ne peut pas se défendre. C'est-à-dire, là, il y a des accords entre deux pays. On t'a chopé ici, on veut rien savoir de ton procès, on ne peut pas intervenir sur la condamnation a été juste, pas juste, tout ça, on s'en fout. Là, de toute façon, ton pays, il te veut. Donc, il faut qu'on te consigne. De toute façon, l'Italie, elle n'a jamais mis un mot fin sur ces vieilles histoires, si on veut, politiques, sociales, etc., etc. Avec cette histoire d'MAE, en fait, ce qui est vraiment en cause, c'est que, oui, on peut nommer un avocat. Un avocat, il se trouve avec ces trucs, en fait, il ne peut rien faire. Là, ce qui est vraiment en cause, à niveau juridique, de justice, tu vois, je ne veux pas entrer dans des débats de tribunal, en fait, on n'a pas le droit de se défendre. T'as pas les moyens. Du coup, maintenant, on peut aborder la question du MAE et les droits de la défense vis-à-vis de cette procédure juridique. Donc, le mandat d'arrêt européen résulte d'une décision cadre du Conseil de l'UE du 13 juin 2002. Et il sert essentiellement à mettre en harmonie les différents systèmes juridiques, mais d'un point de vue purement formel et administratif. Donc, comme on l'a dit, ça se base sur une loyauté entre les deux États, le pays émetteur, en l'occurrence l'Italie, et le pays exécuteur, en l'occurrence la France. Il y a 32 catégories d'infractions qui sont sans discussion possible. C'est des infractions telles que le terrorisme, la traite de personnes, etc., etc. Dans le cas de Vincenzo Vecchi et de bien d'autres, donc ça ne rentre pas dans cette catégorie-là. Et donc, le seul moyen de pouvoir se défendre est la question de pouvoir établir ce qu'on appelle le principe de la double incrimination, à savoir qu'une peine dans un pays doit trouver son équivalent dans le pays qui exécute le mandat d'arrêt européen au moment des faits. Donc ce principe-là devrait normalement complètement arrêter et stopper cette procédure, dans la mesure où une peine de délit comme a reçu Vincenzo Vecchi, pour une peine de 13 ans et quelques années, correspond à un crime de sang. Or là, aucune personne n'a été, a été victime. L'accusation ne porte que sur des biens matériels. Or, cette peine-là n'existe pas en France. Donc, selon ce principe-là, normalement, le MAE ne devrait pas aboutir. Mais curieusement, il continue à être actif. Donc, c'est pour ça que nous sommes assez inquiets vis-à-vis de ça. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à la défense, c'est que normalement, il serait intéressant qu'il y ait une double défense, à savoir que la partie italienne et la partie française puissent être automatiquement mises en relation, sachant que le cas de Milan prouve que cette collaboration est nécessaire afin d'éviter des excès et des instrumentalisations, comme on l'a dit précédemment. Donc, si on en restait là, en fait, on aurait une justice française qui devient tout bonnement collaborationniste, puisqu'elle exécute un mandat d'arrêt sans même faire une instruction, et qu'avec l'émergence de certains pays autoritaires au sein de l'Union européenne, on voit qu'il y a une atteinte très forte sur nos libertés individuelles, notamment sur le droit de manifester et de marquer son opposition à un régime quel qu'il soit. Je voulais juste revenir un petit peu sur les principes de base du MAE, parce qu'on a découvert un petit peu tout ça en explorant notamment les aspects juridiques. On a parlé donc du côté évident de manque de loyauté. Enfin, le principe du MAE est aussi basé sur le fait que quand il y a des faits condamnables dans la justice, par exemple là du pays émetteur en Italie, à l'époque les faits devaient être aussi condamnables dans le système juridique du pays exécuteur, donc la France, ce qui n'était pas le cas à l'époque, puisqu'on n'avait pas de loi dévastation et saccage en 2001. Et là, ça montre clairement qu'il y a un déséquilibre évident entre la défense et l'accusation, puisque là, c'est des éléments de base, normalement, que la défense, il n'y aurait même pas... Enfin, c'est un fait, ces deux principes-là ne sont pas appliqués, donc les mandats d'arrêt européens doivent être invalidés. Or, ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que les droits de la défense sont difficilement entendables, alors que pour l'accusation, c'est tout de suite mis en place, quoi. Oui, on peut aussi préciser, au regard du MAE, par rapport à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a été signée lors du traité de Lisbonne par les États membres de l'Union européenne, qu'il y a au moins trois principes qu'on doit rappeler, qui entrent en contradiction avec la procédure du MAE. Le premier, c'est l'atteinte aux libertés individuelles et présomption d'innocence, à savoir qu'avec l'introduction du concours moral, on a pu approuver la culpabilité. La simple présence sur les lieux font qu'on peut être inculpé. Le deuxième est le principe de l'égalité, à savoir que la loi doit être connue de tous. Or, en exhumant une loi ancienne de Mussolini, les manifestants n'étaient pas censés la connaître, puisqu'elle a été réactivée pour Milan et ensuite pour Gênes. Et c'est ça qui a ouvert le système répressif judiciaire après la répression policière. Et ensuite, il y a le principe de proportionnalité, à savoir qu'une peine ne doit pas être disproportionnée par rapport aux faits. Et on tenait aussi à rappeler que ce qui concerne Vincenzo Vecchi et les 10 de Gênes, ça ne concerne que des atteintes aux biens matériels et pas des atteintes aux personnes. Donc on voit bien qu'on est dans un cas de disproportion des peines par rapport aux accusations. Tout ça veut dire que, et ça nous amène à conclure sur le fait que les droits de la défense sont largement bafoués et que ça rentre dans un système de répression qui est couplé entre la répression policière et le système et l'appareil judiciaire. C'est-à-dire que, en invoquant le concours moral et la loi de saccage et dévastation, la justice italienne s'est dotée d'un arsenal pour pouvoir sanctionner sévèrement les manifestants, donc d'attaquer ce droit fondamental de pouvoir manifester et de propager la terreur et empêcher les gens de pouvoir s'exprimer. Ce système-là n'est pas propre à l'Italie. C'est quelque chose qui est en cours aujourd'hui dans tous les pays européens, en tout cas en France, avec la loi anti-casseur, on l'a déjà évoqué. Ce principe de concours moral fait que l'accusation n'a pu approuver des faits et que sur la simple interprétation d'une présence sur les lieux d'une manifestation, on peut être accusé. Queste lacrime che ho mascherato, questo dolore che tengo stretto, e in una Genova liberata, senza chiusura, senza spavento, senza sott'occhio la via di fuga, senza dolore, senza sgomento, avrà senso cadere in ginocchio, alzare e prendersi le mani, piangere in piazza Rimonda, pardon, in piazza Carlo Giuliani. Décembre 2019, réunion publique à Rochefort-en-Terre. Vincenzo, Éric Villard et Vincent Bonnecaze, chercheur au CNRS, sont présents. Je suis chercheur en sciences sociales et il se trouve que je travaille sur le sens de la justice ou de l'injustice, mais plutôt en Afrique. Et par ailleurs, j'étais à Gênes, comme Fred, comme Vincenzo, comme beaucoup d'autres, en 2001, où j'étais spectateur et même victime des violences policières. Et du coup, je voulais repartir de ce que tu disais tout à l'heure, Vincenzo, que cette affaire, ce n'était pas qu'une affaire individuelle. Et pour moi, ce que ça met en jeu d'abord, c'est cette histoire de violence. Finalement, quand on emploie le terme violence, il y a des journalistes ici qui parlent souvent de violence. De quoi on parle quand on parle de violence? Pour moi, il y a vraiment un espèce de fossé énorme entre le cas de Vincenzo, les faits qui lui sont reprochés et ce pourquoi il a été condamné à des années de prison, et d'autres faits qui ont été commis sous l'égide de l'État italien, qui sont autrement plus graves, et pour lesquels les personnes n'ont absolument pas été condamnées, ou bien très peu. Moi, je suis passé à Bolzaneto, un dépôt de police, et je voulais juste vous raconter comment c'était passé pour que vous ayez une image concrète de cette violence. Il y a eu un moment où, en gros, c'est devenu la guerre. On était dans la rue, on était un ennemi, en fait, par le simple fait d'être debout dans la rue. Et le fait qu'on puisse être tapé, il y avait un arbitraire total de savoir qui était tapé. Après, quand on est tapé, on a l'impression de dire « pourquoi moi ?» Alors, c'est vrai que moi, j'étais habillé en noir, par exemple. Mais en fait, je pense que chercher une rationalité, c'est essayer de comprendre une logique à ça, alors que la seule logique, c'était de juste taper des personnes parce qu'ils étaient en train de manifester. Donc moi, je me suis fait fracasser la tête et je saignais pas mal. Après, j'étais hospitalisé, on m'a recousu. Et de là, la rationalité de la machine répressive, c'était d'aller chercher les gens qui étaient hospitalisés en postulant que parce qu'ils avaient été hospitalisés, c'était des meneurs, c'était les plus violents. Et de là, une fois qu'on m'avait recousu, je suis arrivé comme ça à Bolzaneto, où j'ai passé 7-8 heures dans une cellule, les mains contre le mur, avec des policiers qui revenaient régulièrement de dehors, aussi pour faire passer leur hargne qu'ils avaient de ce qu'ils avaient vécu dans la rue peut-être, qui nous prenaient la tête pour nous taper la tête contre le mur. Il y avait régulièrement des médecins qui venaient pour appliquer des compresses sur nos blessures. Il y a un médecin qui est venu plusieurs fois pour me demander si je voulais m'évanouir ou si ça allait. Et ça a duré pendant des heures. Et après, il y a aussi, je me rappelle aussi, un autre policier qui est venu et qui m'a dit « Toi, tu vas souffrir au bout de 4 heures. » Et qui me dit « Mais pourquoi ?»« Parce que t'es à Gênes. » Et mais il était très logique, le policier, presque d'été, presque touchante. Oui, c'est juste parce que j'étais à Gênes que je devais souffrir. Moi, le policier, je me rappelle de sa tête, celui qui m'a torturé. Je me dis « Un jour, je vais le retrouver dans un truc de justice. » Et non, ils n'ont pas retrouvé, en fait, parce qu'ils n'ont pas cherché, quoi. Et ça, ça parle aussi du décalage d'énergie qu'on a mis pour retrouver Vincenzo dans un village barbillané et du fait qu'on n'a pas retrouvé des policiers qui étaient extrêmement faciles de retrouver dans un espace fermé. Et ça, pour moi, cette violence aussi, il faut la resituer. Ça, c'est le cas, il y a Gênes, quoi. Mais quand on la resitue maintenant dans un truc historique, finalement, c'est ce que tu disais, quoi. On est vraiment dans une logique, en fait. On est vraiment dans une logique qui monte. Quand on regarde l'histoire des répressions violentes en Europe, c'est les années 60, en fait, qu'il y avait des répressions extrêmement violentes. On pense à Charonne, en France. On pense au 17 octobre 1961. Mais dans les années 70-80, en Italie, je ne sais pas, c'était, on va dire, il y a des cas. Il y a le cas de Malik Oussekim, en 1986, qui a fait scandale. Moi, j'étais au collège, je me rappelle, qui s'est fait tuer pendant des manifs lycéennes. Quelque part, il y avait une logique qui était différente dans le maintien de l'ordre. Et il y a des historiens, des politistes qui l'étudient, qui disent que les théories du maintien de l'ordre sont complètement en train de changer. Et on le voit à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et cette violence, ça pose la question de ce qu'on appelle la violence. Moi, j'ai envie de dire, le cas de Vincenzo, il dit, mais quand vous dites violence, mais de quoi vous parlez, en fait? Vous parlez de Vincenzo qui va casser des vitrines ou qui ne l'a pas fait. Je m'en fous qu'il l'ait fait ou qu'il ne l'ait pas fait. Et moi, je comprends aussi la logique des Black Blocs. Ou est-ce que vous parlez de gens qui torturent dans une cellule? C'est quoi quand on parle de non-violence, en fait? Au fond, le fait de se réunir et de travailler comme ça sur quelque chose, ça permet d'établir une sorte de savoir à la fois général et spécifique. Et à mon avis, après, c'est sur ce savoir spécifique qu'il faut s'appuyer. Et l'un des aspects de ce savoir, là, c'est le MAE. S'appuyer sur ce qui a eu lieu là, sur les recherches qu'ont pu faire les uns et les autres, ce qu'on a appris sur les décisions judiciaires pour critiquer le MAE, critiquer la politique pénale européenne, c'est, à mon avis, enfin, c'est une voie intéressante, quoi, puisque en fait, il y a un savoir qui s'est constitué autour de ça. C'est un premier point d'appui, en fait. Et puis, de façon plus, je pensais à un truc plus... plus général par rapport à ce que dit Vincenzo sur le côté parler de Gênes, effectivement, enfin, on peut parler en général de la répression, pas seulement pour Gênes, mais il y a aussi d'autres choses qui ont lieu qui sont positives. Au fond, il y avait beaucoup de monde. Il y a eu, c'est qu'au fond, on est dans une situation très particulière qui est liée à la présentation que tu en faisais au début, à savoir que au fond, après l'effondrement, on peut dire, du communisme réel, il n'y a rien pour faire pièce au système qu'on peut appeler comme ça capitalisme ou à l'économie de marché. Et on sait, au fond, c'est une leçon de physique sociale élémentaire, que quand un pouvoir est seul, évidemment, à s'organiser, eh bien, sans limite externe, au fond, il continue de s'accroître. Donc, au fond, aujourd'hui, les puissances économiques qui structurent le monde dans lequel on vit, enfin, c'est vrai depuis très longtemps, et disons qu'après la révolution industrielle, enfin, tous les auteurs, enfin, toute la littérature depuis Balzac nous raconte, en fait, l'histoire de l'argent, principalement. Ce qui structure la vie sociale, c'est ça. Et à partir de là, évidemment, ce pouvoir-là a une tendance à se truster sans cesse. Enfin, tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de 8 contre... voilà. Donc, c'est un tout petit nombre. Et de fait, ça, de ce point de vue-là, effectivement, il y a quelque chose qui est tout à fait nouveau. En un certain sens, il y a une sorte de recul sans précédent. C'est-à-dire, on a connu, en fait, dans l'histoire, une situation qui a été l'Ancien Régime, et puis des révolutions successives. Et là, tout à coup, on se retrouve avec un seul pouvoir, d'un genre un peu nouveau, hein, c'est plus l'Ancien Régime, mais qui est tout aussi inégalitaire que l'Ancien Régime. Donc, de ce point de vue-là, c'est une situation inédite. L'espoir à avoir, il y a deux éléments. Il y a que une structure inégalitaire suscite un mécontentement chronique. Personne ne s'habitue aux inégalités. Personne ne s'habitue aux restrictions de liberté. Enfin. Et puis, l'autre point, c'est qu'il se produit toujours quelque chose de contingent, c'est-à-dire que pour évoquer un épisode de l'histoire sur lequel j'ai travaillé et que je connais bien, le 14 juillet a quelque chose d'imprévisible, en fait. Et au fond, pour lier ça à ce que tu disais tout à l'heure, de ce que vous disiez d'une certaine manière de la violence, c'est-à-dire, au fond, on est dans un État, c'est peut-être le seul, je crois, au monde, ici en France, où la fête nationale célèbre une émeute. Précisément, c'est la naissance de la démocratie. C'est un point qui mérite d'être médité. Voilà. Et juste pour finir sur ce point, le 14 juillet, il y a 89 morts du côté des manifestants. Il ne faut pas l'oublier, c'est comme ça que ça passe. La violence, précisément, de cette émeute du 14 juillet et du côté de la répression. Quelquefois, on parle de dérapage quand il y a des manifestants qui se passent mal. Mais la notion de dérapage, en fait, ça se produit aussi, ça se prépare. Et quand on voit à Gênes la peur qu'il y avait le matin, je me rappelle très très bien le jour de la manifestation, on savait qu'il allait se passer quelque chose. Et je me rappelle de ça. Mais je me rappelle aussi de la joie. Je me rappelle aussi, une fois qu'on avait passé notre moment de peur, de la manière d'inventer les espaces démocratiques, pour reprendre ce que disait Eric tout à l'heure. La démocratie, c'est quelque chose qui s'invente tous les jours. Et moi, jeune, j'ai aussi aboli les frontières dans des AG sur un trottoir avec des Italiens, avec des Allemands, avec des... c'est super, en AG, on abolit le capitalisme, on abolit les frontières. C'est rigolo, quoi. Et c'est aussi l'espace d'invention de la démocratie qui était juste fantastique. Il y a un souvenir quand même qui reste parce que, disons que c'est à moitié un souvenir et à moitié... ça reste toujours présent, c'est que... On a commencé avec cette manif, disons, journée de mobilisation, introduire un concept qui était appelé concept extraordinaire. C'est-à-dire, il y a des situations où il faut rester, disons, vigilant à niveau sociétal, politique, etc., parce qu'il y a un ennemi. En 2001, il y avait tout, il y avait des militants, il y avait des anarchistes, il y avait des communistes, il y avait aussi des touristes, il y avait aussi des chrétiens, il y avait aussi des gens de partout qui venaient et qui criaient dans la rue que notre monde est possible, quoi. Et c'était beau. Et après, il y a eu Évian l'année d'après, il y a eu beaucoup moins de monde. Ça s'est restreint à plus qu'à des gens qui étaient ouvertement anticapitalistes, et ça a continué jusqu'à maintenant. Et c'est vrai qu'ils l'ont cassé, quoi. Et quelque part, on peut aussi relier ça à... Voilà, la question finalement, c'est quoi la démocratie? Est-ce que des gens qui sont dans la rue, c'est la démocratie? Ou est-ce que la démocratie, c'est que les élections? On le voit en France, on est toujours dans cette logique-là. En 2003, pour moi, c'est une année dont les historiens se rappelleront hyper fort en France, avec les profs, avec les intermittents, avec les prostituées aussi, qui avaient manifesté contre le racolage passif alors que Sarkozy était ministère de l'Intérieur. Ils ont tous perdu. Ils ont tous perdu. Et il y avait une espèce de putain de logique arithmétique de la démocratie, avec Raffarin qui disait « Non mais c'est bon, vous n'êtes pas 30 millions dans la rue. Donc ça ne marche pas, c'est pas démocratique votre truc. J'écoute aussi ceux qui ne manifestent pas. » Et je veux dire, croire ça, je veux dire qu'on pense que ce type est Premier ministre, c'est avoir une méconnaissance totale de la manière dont se sont construits nos droits et dont tout le monde bénéficie aujourd'hui. La sécurité sociale, les droits sociaux, ça ne s'est pas construit que par les élections, mais aussi par la rue. Et aujourd'hui, il y a une dépréciation de ce qui se passe dans la rue, un rétrécissement de la démocratie à une logique purement électorale et arithmétique qui est juste dramatique pour la réalité de la démocratie. Et c'est ça aussi derrière l'histoire de Vincenzo aussi qu'il faut se battre. C'est derrière ces gens-là, mais non, la rue, elle est légitime, quoi. Et malgré tous vos putains de procédés, qu'ils soient judiciaires ou bien policiers, ben on continuera de prendre la rue pour dire que c'est la démocratie et la rue, quoi. Ouais. Je pense que dans la montée de l'appareil répressif, il y a encore une fois sur septembre 2001, ce qui m'a frappé, c'est que Fini, qui était le vice-conseil de l'Alliance nationale, qui était du gouvernement de Berlusconi à l'époque, je crois que c'était Fini, tu veux dire. Fini, ouais. Ah, oui. Fini. Fais de fort quand même. Ouais, merde. Ouais, je suis Bigoudin. Et en octobre, il a dit, mais en fait, il y avait des terroristes. C'est fantastique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a Gênes en juillet 2001. Après, il y a le 11 septembre 2001. Et dès octobre, des pouvoirs politiques s'approprient l'opportunité politique. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'ils l'ont créé. Hein, je ne suis pas dans cette truc-là. Mais l'opportunité que constitue le terrorisme pour dire, mais en fait, c'était des terroristes. Heureusement qu'on leur a cassé la gueule quand même, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Et ça, c'est aussi une logique. Enfin, je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement conscient que dans notre espace quotidien, je veux dire, partout, il y a des plans Vigipirate. Partout, les gamins à l'école. Moi, mes gamins, ils sont dans une école d'un village de 300 habitants. Ils doivent faire des tests antiterroristes une fois par an, en fait. Ma gamine, qui a 5 ans. Je vis dans un village de 300 habitants sur la baie d'Audierne, en fait. Ça, c'est une machine à formiter les esprits et à justifier, à accepter, en fait, aussi. Des trucs que je pense qu'on ne met pas du tout assez en réflexion, y compris dans les espaces militants, en fait. Et je pense qu'il y a ça aussi. C'est pour ça que je dis qu'aussi, je n'en ai pas tout, mais que c'est passé quelque chose de très, très particulier en 2001, quand même, qui permet de comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui pour moi. Du coup, si nous sommes mobilisés, c'est aussi parce que nous sommes inquiets sur notre avenir proche, à savoir que ce système-là se met en place dans les différents pays et que donc il faut être vigilant et que ce combat nous tient très à cœur. On tenait à remercier tout cet élan de solidarité que nous avons pu rencontrer. Cela touche le monde des arts et des lettres, les sphères politiques aussi, organisations syndicales et autres associations, mais surtout aussi tous les gens qui sont sur le territoire local et les nombreux comités de soutien sur la France et quelques pays étrangers comme la Belgique, l'Italie, l'Espagne, etc. Ceci nous réconforte dans notre combat du moment. Et nous remercions tout spécialement le comité d'Angers qui nous soutient très activement. Et comme le procès va se dérouler à Angers le 2 octobre à 14h, nous remercions vivement le dynamisme du comité d'Angers qui nous soutient depuis le début et se mobilise très fortement. Merci à eux. Et pour en savoir plus, on a plusieurs outils un petit peu de communication. Vous pourrez trouver beaucoup d'informations, pas seulement sur la situation avec Vincenzo, mais aussi sur Gênes, sur Milan. Donc on a le site www.comité-du-milieu-soutien-vincenzo.org. Là, un groupe Facebook aussi, @soutienvincenzo. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes curieux, parce qu'il y a plein d'infos qui sont assez importantes pour comprendre ce qui se joue en ce moment, pas seulement pour Vincenzo, pas seulement par rapport au MAE de Milan et de Gênes, mais en général sur justement cette combinaison des outils répressifs entre le système policier et le système judiciaire. Merci à vous. Vous êtes de retour dans l'émission du magazine Libertaire, comme chaque mercredi sur Jet FM. Et pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, ce que vous venez d'entendre, c'est une émission qui a été préparée par le comité de soutien à Vincenzo Vecchi, qui passe en audience vendredi à Angers pour statuer sur la validité de deux mandats d'arrêt qui ont été émis à son encontre par la justice italienne. Il y a un appel à soutien pour cette audience, c'est à 14h, donc vendredi, devant la cour d'appel du tribunal d'Angers, c'est rue Valdec-Rousseau, à Angers donc, et vous trouverez toutes les infos concernant cet appel sur le site du comité dont vous venez entendre l'adresse dans le son précédent. Sur ce site, il y a aussi des propositions de soutien. Par exemple, pour celles et ceux qui ne pourront pas être à Angers vendredi, dans les propositions de soutien, il y a par exemple relayer les informations dans vos réseaux, prendre contact avec les comités de soutien, envoyer des messages de soutien sur la page Facebook du comité, organiser des écoutes radiophoniques avant, pendant et après l'audience. Et l'émission qu'on vient d'entendre et d'autres émissions de radio, vous pouvez les retrouver sur le site dont on vient de parler. Du coup, n'hésitez vraiment pas à y aller. Je rappelle l'adresse, c'est www.comité-soutien-vincenzo.org. Et on va faire une petite pause musicale et du coup, je vais laisser mon camarade 1312 vous présenter ce qu'on va écouter tout de suite. Donc on va écouter Jacques Courcil qui est un compositeur et musicien de jazz qui a mis des textes de Frantz Fanon qui était un psychiatre militant anticolonialiste. Donc il a mis des textes de Fanon en musique et du coup je vais vous proposer un morceau justement avec les textes de Frantz Fanon. Allez, c'est parti. Mmh. mais c'est un nom aussi. Nom. Ruisselle sur mes épaules. Je sentis naître en moi des lames de couteau. Et plus violente retentit ma clameur. De Saint-Domingue. La densité de l'histoire ne détermine aucun de mes actes. Je suis mon propre fondement. Exister absolument. Je n'ai ni le droit ni le devoir d'exiger réparation pour mes ancêtres domestiqués. Pas le droit de me cantonner dans un monde de réparation rétroactive. Je ne suis pas prisonnier de l'histoire. Il y a ma vie prise au lasso de l'existence. Il y a ma liberté. blanche, pas d'intelligence blanche. Il y a de part et d'autre du monde des humains qui cherchent. Oh mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge. Vous êtes à nouveau de retour dans l'émission du magazine Libertaire sur Jet FM et c'est l'heure des annonces. Ce soir à Nantes, c'est la permanence de rentrée de la bibliothèque féministe Les Dévoreuses. C'est le moment de rapporter les bouquins que tu avais empruntés l'année dernière. C'est le moment aussi d'en emprunter d'autres ou encore de choper des nouvelles brochures. La permanence de rentrée des Dévoreuses, c'est donc ce soir à partir de 18h30 à Pollen, 11 rue des Olivettes à Nantes. Vendredi 2 octobre à Angers, il y a donc le rassemblement de soutien à Vincenzo Vecchi, dont on parlait tout à l'heure. C'est à 14h devant la cour d'appel du tribunal, dont je rappelle l'adresse, c'est rue Valdec-Rousseau à Angers. Vendredi 2 octobre, toujours cette fois à Nantes, il y a comme chaque vendredi depuis plusieurs mois maintenant un appel à venir tricoter contre les violences policières avec les pépés et les mémés révoltés. C'est à partir de 16h, vendredi, chaque vendredi du coup, sur le parvis de la gare Nord. Et il est 13h12, joyeux 13h12 à tout le monde. Et la dernière annonce, c'est samedi 3 octobre à Saint-Nazaire, c'est l'inauguration de la bibliothèque anarchiste. L'inauguration de la bibliothèque anarchiste et féministe du lieu autogéré Les Amis de May. Au programme, à 14h, l'inauguration. À 15h30, il y a un atelier d'écriture créative. À 19h, un repas partagé. Du coup, il faut ramener chacune des trucs à grignoter ou son meilleur plat pour le partager ensemble. Et c'est possible de juste venir déguster des trucs et de ne pas rapporter. Bref, c'est pas obligé de rapporter des trucs. À 20h30, il y aura une intervention discussion qui s'appelle « Fantasmes et corps féminins au sein de la culture métal » et c'est animé par Florence Alain, qui est historienne. Et tout ça, c'est samedi à partir de 14h au local autogéré des Amis de May. C'est 25 boulevard de la Renaissance à Saint-Nazaire. Et j'ai menti, c'était pas la dernière annonce, il y en a une autre. C'est toujours samedi, c'est samedi et dimanche 3 octobre, ça se passe à Donge, il y a un week-end festif et d'implantation de la résistance au village du peuple, parce que le village du peuple, il est expulsable en fait à partir du 6 octobre. Et sur ce village du peuple, donc il y a le fait que ce soit expulsable, aussi le fait que la CAREN, donc qui est la communauté de communes de Saint-Nazaire, a déposé un permis de démolition de la ferme. Et donc ce sont 57 hectares de prairies, de terres agricoles et le corps de ferme qui sont menacés de destruction pour faire un projet de zone industrielle. L'expulsion des habitants et des habitantes sera sans doute le signe d'une reprise et d'une accélération prochaine des chantiers de création de cette énième zone industrielle du bassin nazérien sur une soixantaine d'hectares de zone humide. Sachant que ça fait partie du coup des plans d'extension de la zone portuaire Nantes-Saint-Naz. Voilà, donc il y a un appel à implanter durablement la résistance contre ce projet destructeur, à faire front contre la bétonisation de l'estuaire de la Loire et à empêcher bien sûr l'expulsion du village du peuple. Au programme, samedi le matin, c'est chantier collectif et découverte du site. Le midi, pique-nique partagé. À 14h, déambulation festive vers la mairie de Donge pour manifester le soutien au village du peuple contre l'expulsion. En fin d'après-midi, des discussions et des ateliers. Et le soir, repas partagé et soirée dansante avec un concert majoritairement acoustique. Dimanche, il y aura des ateliers d'auto-formation collective d'action, désobéissance civile, action en groupe affinitaire, défense collective. Il y aura des chantiers d'autoconstruction, des discussions. Le repas de dimanche, c'est auberge espagnole. Du coup, il faut emmener ce que vous pouvez emmener. Et il y a aussi besoin de matériel de construction et de camions pour transporter du matériel pour les chantiers d'autoconstruction et de défense durant le week-end et jusqu'au 6 octobre. Il y a aussi besoin de matériel de cuisine si vous avez surtout des grandes gamelles. Et donc voilà, tout ça c'est ce week-end au Village du Peuple. Et le Village du Peuple, c'est au lieu-dit La Petite Lande à Donge. Il y a une page Facebook si vous voulez plus d'infos ou si vous voulez contacter le Village du Peuple. C'est la page Facebook Le Village du Peuple. Et il y a un site, levillagedupeuple, tout attaché, .noblogs.org, une adresse mail, levillagedupeuple, tout attaché, @riseup.net. C'est la fin des annonces et du coup on approche l'heure fatidique de la fin de l'émission. Avant ça, on va vous passer, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour se dire au revoir. Alors demain, vendredi, il va y avoir le débat sur le communautarisme. Le communautarisme, pas le communautarisme au plan, hein, bien sûr. Donc voilà, je vais apporter ma petite brique dans le débat avec cette petite chanson. Voilà, bonne journée à tous et à toutes. ZEP, zone d'expression populaire, featuring Buster Robert, MC Jean-Pierre, 2010. C'est du lourd, gros. Ils avancent, ils sont passés colonialistes, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Ils avancent, et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ils avancent, et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Ils avancent, et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ça y est, c'est réglé. Maintenant c'est formel, ça y est c'est confirmé, par voie ministérielle, les nazillons sont lâchés, les bilochons décomplexés, carte blanche pour les gros bofs qui ont la haine de l'étranger. Petit bourgeois, démocrate républicain, ton pays est puant, raciste et assassin, tes lumières, tes droits de l'homme, soi-disant universels, un mythe, un mirage, un mensonge officiel. Petit donneur de leçons, petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche, tu juges, tu critiques les arabes et l'Afrique noire, mais balaye devant ta porte, regarde-toi dans un miroir. Ils avancent, et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Ils avancent, et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ils avancent, et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Ils avancent, et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Qu'est-ce que j'en pense de leur identité nationale, de leur Marianne, de leur drapeau et de leur hymne à deux balles? Je vais pas te faire un dessin, ça risque d'être un descend, de voir comment je me torche avec leurs symboles écœurants. Affligeant, l'évolution en 60 ans. Regarde à l'Assemblée, il y a que des poutous blancs. Ils veulent l'intégration par la Rolex ou le jambon. Ici on t'aime quand t'es riche et quand tu bouffes du cochon. Quand t'adhères à leurs projets, quand tu cautionnes leurs saloperies, leurs lois, leurs expulsions et leur amour de la patrie. Certes, ils adorent le couscous et chèvre à l'aide, mais ils flippent que leur fille leur amène à Mohamed. Fais pas ton étonné, ta vierge effarouchée, ta petite chochotte qui fait semblant d'être choquée. Genre tu découvres que tu vis chez les gros cons, chez les rastons qui n'ont jamais enlevé leur costume de colon. Le racisme est dans nos murs et dans nos livres scolaires, dans nos souvenirs, dans notre histoire, dont nous sommes si fiers omniprésents. Il est banal et ordinaire, il est dans nos mémoires et impossible de s'en défaire. Ils avancent, et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Ils avancent, et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ils avancent, et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Ils avancent, et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Et toi alors, petit socialiste hypocrite, j'ai pour toi quelques rimes amèrement écrites. Tu nous as dit que ta cause était celle des sans-papiers, qu'il était antiraciste, tu as promis l'égalité. Tu nous as fait miroiter, rêver d'une France meilleure, mais tu triches, tu récupères, comme avec la marche des beurs, manipulateur. Tu cours après les lecteurs, on t'a démasqué de toi et ton parti d'usurpateur. Et il y a nos intellos, nos petits fachos à lunettes, nos têtes à claques, comme la connasse de Fourest. Ils propagent, alimentent la haine du musulman, du banlieusard, avec leurs discours stigmatisants. Leurs discours arrogants, insultants et méprisants, omniprésents, leur propagande dans les médias dominants. C'est l'union sacrée contre l'envahisseur, le barbare, le sauvage, contre l'ennemi intérieur. Mais on va pas se laisser faire, se laisser brayonner. On va pas lâcher l'affaire comme Élie du LKP. C'est mon devoir d'insolence, mon devoir d'irrévérence, mon devoir d'impolitesse, mon devoir de résistance. Vive la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Vive la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Vive la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Vive la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Vive la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Vive la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Vive la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Vive la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Et voilà, c'est la fin de l'émission. On se retrouve mercredi prochain. Avant, je vais rappeler les contacts parce que j'ai oublié de les dire en début d'émission. On a un site internet, un blog en fait, sur lequel vous pouvez retrouver tous nos podcasts. C'est maglib, M-A-G-L-I-B, .noblogs, N-O-B-L-O-G-S.org, maglib.noblogs.org. On a une adresse internet où vous pouvez nous écrire. C'est maglib@riseup.net. Et j'oublie rien. Si, de dire au revoir quand même. Si, quand même, au revoir, ouais. On vous dit au revoir, on se retrouve la semaine prochaine, donc comme tous les mercredis, à 12h05, sur Jet FM 91.2, à Nantes. Ciao, ciao. Ciao, à la semaine prochaine.